Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Nouvelle émission avec toujours le thème du pop-rock dans le blues. 33e numéro, eh oui, au fil des mois et des années. Alors cette semaine, ce sera Nanette Workman, les Chic Tips, Vicious Steel, The Players et Fred Chapelier. On commence avec Nanette Workman, qui nous vient du Québec. Et elle reprend en 2005 un titre de AC/DC, Ride On, qu'ils avaient publié en 1976, Nanette Workman. Try to get back to the start. Oh. C'était Nanette Workman, un extrait de son album Mississippi Rolling Stone. On passe maintenant au Chic Type. Oui, les Chic Type de la région lyonnaise, qui publiait en 2011 l'album Hey Mabéo, la bande originale des Chic Type. Et je vous ai passé il y a quelque temps Walk on the Wild Side de Lou Reed. Et cette semaine, ce sera un titre de Patrice Coutin, J'aime regarder les filles. Les Chic Type en 2011. Maintenant, trois extraits de trois albums parus en 2022. Tout d'abord, Vicious Steel. L'album s'appelle Fuel Band et c'est un groupe de 7 ou 9 musiciens, alors qu'au début, c'était un duo qui avait gagné le tremplin blues sur scène il y a quelques années. L'album est vachement bien avec des cuivres, hein, ça c'est une grande nouveauté chez eux. Et puis, ils reprennent en fin de disque le fameux House of the Rising Sun, popularisé par les Animals au milieu des années 60. Vicious Steel, yeah. sin. And it's been the ruin of many a poor boy. God, I know I'm one. The Players, oui, je vous les avais déjà passés avec leur reprise de These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Cette fois-ci, ce sera Forget the Flowers de Wilco, un petit peu moins connu. The Players, c'est un groupe récemment formé du côté de Perpignan avec quand même quelques vieux routiers. Leur album s'appelle Let the Good Time Roll et voici donc leur reprise de Forget the Flower. The Players. Daffodils. Don't forget the flowers someday. I know you will. Display of affection, oh, good intention. Why don't you just send me the bill? Don't forget the flowers someday. I know you will. Talk to me way too seriously. Oh, wow, oh. I can never explain why I don't feel the pain. But I'm not over you. Don't forget the flowers someday. I hope I do. Don't forget the flowers someday. I hope I do. Lately you've been talking to me way too seriously. Oh, oh. I can never explain why I don't feel the pain. You try my patience, try big carnation, red roses and yellow daffodils. Don't forget the flowers someday. I know you will. Don't forget the flowers someday. I know you will. Don't forget the flowers someday. I know you will. Et pour terminer l'émission, voici le nouveau disque de Fred Chapelier, intitulé Straight to the Point, entièrement en anglais, malheureusement pour moi, car je l'aime beaucoup quand il interprète quelques titres bluesy en français comme il le faisait au début de sa carrière. Bref, revenons à cet album qui est très très bien, Straight to the Point, avec une reprise de Gladys Knight and the Pips, de 1973, le titre « I've got to use my imagination », Fred Chapelier en 2022. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine.